franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'une des histoires les plus mystérieuses de la crise en Côte d'Ivoire, le bombardement du camp français de Boaké le 6 novembre 2004. Ce jour-là, deux avions de l'armée ivoirienne prennent pour cible les soldats français de la force Licorne, mandatée par l'ONU pour maintenir l'ordre en Côte d'Ivoire. Bilan 10 morts et 33 blessés, la plus grande perte en vie humaine de l'armée française depuis l'attentat du Drakkar à Beyrouth en 1983. Le bombardement de Boaké s'inscrit dans la longue histoire des relations franco-ivoiriennes. Longtemps, le pays des éléphants était la vitrine des anciennes colonies françaises, un modèle de réussite économique, de stabilité politique. C'était le fleuron de la France-Afrique. En 2002 pourtant, le miracle tourne au cauchemar. Après avoir tenté de renverser le président Gbagbo, des rebelles s'emparent de la moitié nord du pays. C'est le début d'une crise qui va ensanglanter la Côte d'Ivoire pendant 9 ans. Le début également d'une décennie d'incompréhension et de défiance entre la France et la Côte d'Ivoire. Le bombardement de Boaké le 6 novembre 2004 en est le funeste témoignage. 12 ans après les faits, les coupables courent toujours et de nombreuses zones d'ombre persistent. Si bien que juges et avocats s'interrogent. Les autorités françaises ont-elles réellement envie de connaître la vérité? Car derrière la mort de nos soldats, l'affaire pourrait bien être politique. Pour en parler, nous recevrons en deuxième partie d'émission deux invités complémentaires. Le journaliste de France Inter, Emmanuel Leclerc, grand reporter qui enquête sur l'affaire depuis 12 ans, et l'avocat David Senna. Au moment des faits, il était le conseiller juridique de Michèle Alliot-Marie, la ministre de la Défense. Il est en duplex des studios de France Bleu à Toulouse. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dimanche 22 octobre 2000, séjour de vote en Côte d'Ivoire. La population est appelée aux urnes pour élire démocratiquement son nouveau président. Un scrutin attendu, l'espoir que s'ouvre enfin un nouveau chapitre politique après une décennie de troubles. Depuis la mort en 1993 de Félix Mpouet-Boigny, le père de la nation, la Côte d'Ivoire est en crise. Économique d'abord. Au début des années 90, la chute des cours mondiaux du cacao, principale ressource du pays, a mis fin à ce qu'on appelait le miracle ivoirien. Identitaire ensuite. Pour des raisons essentiellement politiciennes, les successeurs de Mpouet-Boigny inventent le concept d'ivoirité. Tous ceux qui ne peuvent prouver qu'ils sont ivoiriens de souche sont mis au banc de la société. Dans un pays qui compte plus d'une soixantaine d'ethnies et une importante communauté immigrée, la boîte de Pandore est ouverte. La Côte d'Ivoire se déchire entre les ostracisés du Nord, principalement musulmans, et les bons ivoiriens au Sud, à majorité catholique. L'élection présidentielle de l'année 2000 est le triste reflet de cette guerre civile larvée. 12 candidats sur 17 sont injustement évincés pour nationalité douteuse, dont le principal candidat nordiste, Alassane Ouattara. Résultat, 60% des Ivoiriens boycottent les urnes. Le 27 octobre 2000, après 4 jours de manifestations sanglantes, le socialiste Laurent Gbagbo est élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Le répit sera de courte durée. Le 19 septembre 2002, moins de 2 ans après son élection, il est confronté à la plus grave crise de l'histoire de son pays. Et avant de se quitter, retour sur la principale information de ce journal avec cette nouvelle inquiétante en provenance de Côte d'Ivoire. Abidjan a été réveillé cette nuit par des tirs d'armes automatiques. Depuis 2 heures maintenant, on peut entendre des tirs d'armes automatiques et puis aussi d'armes lourdes un petit peu partout en ville. On signale aussi des affrontements à Boaké au centre. Simple mutinerie ou tentative de coup d'État, difficile d'y voir clair en Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, des combats ont éclaté à Abidjan et dans d'autres villes du pays. Des ministres du gouvernement sont morts ou ont été capturés par des soldats mutinés. Ceux-ci auraient d'ailleurs pris le contrôle de la deuxième ville de Côte d'Ivoire, Bouaké. Plusieurs centaines de soldats se sont mutinés à Abidjan, la capitale, mais aussi à Bouaké, dans le centre du pays. En fin d'après-midi, l'armée loyaliste a affirmé avoir repris le contrôle de la rue à Abidjan. Il y a encore quelques petites poches de résistance à Bouaké, et à Korogo. Mais ça n'est plus qu'une question d'heure. Si les rebelles échouent à renverser leur Bagbo, ils s'emparent progressivement de la moitié nord du pays, soutenu par une importante frange de la population. La rébellion, bientôt rebaptisée Force Nouvelle, réclame le départ de Bagbo, la tenue d'élections sans exclusive et la fin du concept xénophobe d'ivoirité. Nord et Sud s'opposent et la Côte d'Ivoire est au bord de la sécession. De Boaké à Abidjan, loyalistes et rebelles se battent pied à pied. Le président Bagbo appelle alors à l'aide l'ancienne puissance coloniale comme un réflexe. Depuis son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire et la France sont liées par des accords de coopération militaire. Mais pas seulement. Les entreprises françaises pèsent lourd. De la téléphonie au chemin de fer, la France est le premier investisseur étranger du pays. Près de 20 000 Français y résident, principalement à Abidjan et à Boaké, grande ville du Nord, tombée aux mains des rebelles. Pourtant, le président français Jacques Chirac hésite à intervenir. Une affaire purement ivoirienne, dit-il. Oui, c'est toujours ce qu'on dit dans les sphères françaises-africaines. En vérité, le courant passe mal, avec son homologue ivoirien, ancien maoïste, pourfendeur du néocolonialisme et de la France-Afrique, justement. Paris opte donc pour une solution, disons, intermédiaire. Les soldats français s'installent le long d'une ligne nord-sud qui sépare le pays en deux, une zone tampon, dite zone de confiance, jugée infranchissable. C'est le début de l'opération française Licorne. Mais en refusant de choisir son camp, la France fige du même coup la partition du pays. C'est le début du grand malentendu entre Paris et Abidjan. Le grand frère se pose en arbitre quand Bagbo l'espérait en sauveur. En janvier 2003, Paris tente une sortie politique à la crise. À l'île Marcoussi, en banlieue parisienne, on réunit les différents partis politiques du pays pour négocier un cessez-le-feu. Le ton est grave. C'est la guerre ou la paix. Voilà comment le chef de la diplomatie française, Dominique de Villepin, résume l'alternative à laquelle doit faire face la Côte d'Ivoire et il poursuit. Ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est une même volonté, un même espoir. L'histoire, regardons-la en face. L'histoire hésite. La Côte d'Ivoire hésite. Mais l'histoire vous oblige. Votre peuple vous regarde et il vous oblige. Ce 24 janvier 2003, après 10 jours d'âpres négociations, c'est surtout la France qui oblige Bagbo à pactiser avec les rebelles. Des accords de paix sont signés. Officiellement, le concept d'ivoirité est abandonné. Un gouvernement de réconciliation nationale dirigera le pays jusqu'aux prochaines élections. Bien. Mais ici, comme ailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. De retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo ne tient, en effet, aucun de ses engagements. Et forcément, la situation dégénère. Des manifestations monstres envahissent les rues d'Abidjan. Un millier de ressortissants français fuient le pays, tandis que les rebelles refusent de déposer les armes. L'ONU s'engage à côté de la France pour tenter d'imposer le calme. Peine perdue, la paix ivoirienne n'aura pas lieu. En novembre 2004, moins de 2 ans après le début de la crise, Laurent Gbagbo s'en va en guerre contre les rebelles du Nord. Et il en a les moyens. Depuis plusieurs mois, le pouvoir s'est constitué une véritable flotte d'attaques. Grâce à l'intermédiaire de Robert Montoya, ancien gendarme français reconverti dans le trafic d'armes, il dispose désormais d'avions de chasse biélorusses, des Sukhoi 25, des hélicoptères de combat et tout un équipage de mercenaires slaves. Le 4 novembre 2004, l'opération Dignité débute. La guerre est déclarée. L'armée régulière ivoirienne bombarde les principales positions rebelles au nord du pays, Boaké en tête. Le fief de la rébellion des Forces Nouvelles, situé à quelques kilomètres seulement de la zone de confiance, est pilonné plusieurs fois par jour. Au micro de France Inter, une habitante témoigne. Les avions viennent, ils passent comme ils veulent, ils bombardent et ils s'en vont. On est vraiment paniqué. On ne sait pas ce qu'on a fait à M. Laurent Gbagbo pour qu'il nous traite de la sorte. On ne sait pas. Et non pas content de cela, on est dans l'obscurité. On n'a pas d'eau. Le portable, ça on n'en parle pas. Personne n'a le réseau sur le portable. La ville est morte. Les prières des musulmans au bord des routes, là, rien n'a été fait. Les gens ont prié individuellement à la maison. L'atmosphère est vraiment insoutenable. Les enfants sont traumatisés. Moi, ils m'ont dit, mais maman, qu'est-ce qui arrive? Bon, allons à Abidjan. J'ai dit, mais allons à Abidjan, on ne peut pas aller à Abidjan. Il dit, mais les avions, ils vont nous tuer. J'ai dit, non, ils ne vont pas nous tuer. Dieu est grand. Prions Dieu. Le cessez-le-feu est bel et bien violé. Alors, comment vont réagir les forces d'interposition françaises et onusiennes présentes en Côte d'Ivoire? Eh bien, les 4000 soldats français de la force Licorne et les 6000 casques bleus de l'ONU restent l'arme au pied. Leur mission, rappelle-t-il, observer et rendre compte sans prendre part au combat. D'autant plus qu'à Paris ou New York, le dossier ivoirien divise. Si le président Jacques Chirac est peu favorable à l'offensive de Gbagbo, d'autres, au contraire, pensent qu'il faut le laisser reprendre du terrain. Le feu était orange clignotant, estime aujourd'hui le général Henri Poncet, chef de l'opération Licorne. Il n'en fallait pas plus à Laurent Gbagbo. Il est persuadé que ses troupes l'emporteront en quelques jours. 48 heures après le début de l'offensive, tout bascule. Samedi 6 novembre 2004, Boaké, capitale de la rébellion armée, sur le pied de guerre. Depuis deux jours, elle est devenue une cible pour les avions de chasse de l'armée ivoirienne. Toute la ville est plongée dans le chaos. Toute, excepté peut-être, dans le camp militaire français installé dans l'ancien lycée Descartes. Ici, 130 soldats de la force Licorne observent passivement les débuts de la guerre. Peint sur le toit, un immense drapeau tricolore les protège des attaques aériennes. Pourtant, ce matin du 6 novembre, ordre a été donné de quitter les lieux. Mais le camp n'est pas encore tout à fait vide lorsque deux avions de chasse Sukhoi, elle contre elle, survolent la base à basse altitude. Il est 13h20. L'un des deux appareils prend de l'altitude, vire et se place dans l'alignement du camp français. Puis, il descend piqué et largue deux paniers de roquettes sur le bâtiment. Le bilan est lourd. 9 soldats français meurent sur le coup, un civil américain est tué et 33 personnes sont gravement blessées. Pourquoi l'armée régulière ivoirienne a-t-elle attaqué la France? La stupeur est générale. La réponse, immédiate. 20 minutes après le bombardement meurtrier, les deux Sukhoi 25 sont de retour à l'aéroport de Yamoussoukro, la capitale politique, située en zone sud. Sur ordre de l'état-major, les soldats français présents attendent que les équipages descendent des avions pour détruire les deux appareils. Dans le pays, la nouvelle circule vite. À Abidjan, situé à 200 km au sud de Yamoussoukro, les premières manifestations éclatent. Partisans pro-Gbagbo et armée régulière envahissent peu à peu les rues de la capitale économique. Joint par téléphone, le colonel Henri Ossavi, porte-parole des forces françaises en Côte d'Ivoire, se pose bien des questions sur les motivations du pouvoir ivoirien. C'est une attaque, oui, sans précédent, et puis surtout, la question qui se pose et qui m'est posée par de nombreux médias, s'agit-il d'une attaque délibérée ou d'une erreur? Donc là, pour l'instant, je pense qu'il faudra qu'une haute autorité de l'État ivoirien s'explique sur cette affaire. La situation actuellement est inquiétante, elle se dégrade, en particulier sur Abidjan. Ça veut dire que nous avons toutes nos forces mobilisées, prêtes à faire face à d'autres agressions, si c'était le cas. La ministre française de la Défense, Michèle Alliot-Marie, elle n'attend pas pour désigner le coupable. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Le jour même du drame, ce 6 novembre 2004, elle le clame haut et fort dans les médias français. Le président de la République avait téléphoné à M. Gbagbo il y a 3 ou 4 jours pour le mettre en garde contre toute initiative qui risquerait de mettre le feu aux poudres. Le président Gbagbo, visiblement, n'en a tenu aucun compte. Il sera personnellement tenu responsable par la communauté internationale de l'ordre public à Abidjan. Nous prenons bien entendu toutes les mesures de sécurité nécessaires. Mais le président Gbagbo sera, aux yeux de toute la communauté internationale, personnellement responsable du maintien de l'ordre public. Dans les heures qui suivent cette déclaration, le président Chirac ordonne la destruction du reste de la flotte aérienne ivoirienne. En quelques heures, le régime d'Abidjan perd l'ensemble de ses moyens militaires. De son côté, la force Licorne s'empare de l'aéroport dans l'attente de renforts et d'une potentielle évacuation des ressortissants français. Paris parle de légitime défense. Mais c'est aussi une décision très risquée, car nombreux désormais sont les Ivoiriens qui pensent que la France vient de déclarer la guerre à leur pays. Dans la soirée du 6 novembre, les événements s'accélèrent dramatiquement. Car À Abidjan, la situation vire à l'insurrection. Des dizaines de milliers de manifestants déferlent dans les rues de la capitale économique contre la France. Parmi eux, des partisans résolus du président Gbagbo, mais aussi de nombreux Abidjanais sensibles au discours anticolonialiste servi par la propagande officielle depuis de longs mois. À la manœuvre, Charles Blé Goudet, surnommé Blé la Machette. Il est le leader charismatique et influent des Jeunes Patriotes, une milice ultranationaliste proche du Front Populaire Ivoirien, le parti de Gbagbo. À 18h, à la télévision ivoirienne, il assène « Si vous dormez, réveillez-vous. L'heure est venue de choisir entre mourir dans la honte ou dans la dignité. » Une foule compacte se dirige maintenant vers l'aéroport international d'Abidjan tenu par la force Licorne. Toute la nuit, les soldats français parviendront, grâce à des centaines de tirs d'intimidation, à contenir les manifestants. Dans le même temps, un peu partout dans la ville, résidences et sociétés françaises sont assiégées, pillées, saccagées. Le lycée Jean Mermoz est en feu et 4 autres établissements scolaires français sont détruits. Les magasins sont dévastés, ce sont des scènes de guérilla. Au lendemain de cette nuit de cauchemar, des expatriés français témoignent. J'ai pris moi-même le boulevard Giscard d'Estaing donc pour rentrer chez moi. Nous avons commencé à être caillassés par des jeunes qui se sont levés et qui ont commencé donc à balancer tout un tas de projectiles. Voilà, vous entendez là quand ça tire? Bon, voilà, donc c'est en train de tirer et c'est de la 14-5 et a priori ça vient des hélicoptères, mais on ne sait pas d'où ça vient. Actuellement, je suis sur le toit. Il y a des milliers de manifestants qui se dirigent vers l'aéroport et des hélicoptères survolent les publicités. Là, ça tire de partout, là, voilà. De bouche à oreille, avec les cellulaires, on nous a dit qu'il y avait un coin sécurisé dans la rue, 2 rues derrière la nôtre. On est en quartier zone 4, regroupé dans le hall d'un immeuble, avec 3 chars blindés de l'armée française devant, et on attend l'évacuation. Depuis 16h30 exactement, nous avons entendu le 43e BIMA qui riposte certainement aux attaques et ça tire sans arrêt. Donc tout le monde a peur et ça se passe mal. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. Dans la nuit du 7 novembre, un jour après le bombardement du camp français de Boaké, un nouvel épisode attise la confusion. Une colonne de 60 blindés français en provenance de Boaké s'arrête net devant les grilles de la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo. Après quelques minutes, elle fait demi-tour. Une erreur d'orientation selon l'état-major. Mais le mal est fait. La rumeur d'un coup d'état français se répand comme une traînée de poudre. Et les émeutes reprennent de plus belle. Pendant 2 jours, l'hôtel Ivoire, où 1200 expatriés français se sont réfugiés, est pris d'assaut par les manifestants. Le 9 novembre, une fusillade éclate. Aucun mort côté français, 7 côté ivoirien. Non, 1, peut-être 2, répond Paris. Il n'existe aucun bilan officiel à ce jour. Le 10 novembre au matin, après 3 jours d'une violence inouïe, 8300 Français sont rapatriés. C'est la plus grande évacuation de civils français depuis la guerre d'Algérie. Au même moment, à Paris, la République enterre ses morts. Dans la cour des Invalides, les cercueils des 9 soldats tués lors du bombardement de Boaké sont recouverts du drapeau tricolore. Le plus jeune avait 20 ans. En présence des familles des victimes, le président Chirac leur rend hommage. Vous étiez venu en Côte d'Ivoire pour protéger les populations déchirées de ce pays ami. Et vous avez été lâchement frappé, victime d'une agression que rien ne pouvait justifier. Ici, dans ce haut lieu nimbé de gloire militaire, je veux vous dire, au nom du peuple français, que nous ne vous oublierons pas. Le calme revient peu à peu à Abidjan. À la table des négociations, la France s'efface au profit d'un nouveau médiateur, l'Afrique du Sud. De son côté, le président Gbagbo nie farouchement toute implication de ses forces dans le bombardement du camp français de Boaké. Il réclame une enquête conjointe pour débusquer les coupables et répondre à la question que tous se posent. Qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur des soldats français? My people, dark brown shade of my skin, only add color to my tears that splash against my hollow bones, that rocks my soul. reason to get off the city. Hey. Mama, she works so hard to earn every penny. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Like a child stealing his first piece of candy, got caught. Wandering round life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? I wanna know, I wanna know, yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Le 10 novembre 2004, 4 jours après le bombardement du camp français de Bouaké par l'armée ivoirienne, l'État français porte plainte contre X pour assassinat et tentative d'assassinat. 2 mois plus tard, le tribunal aux armées saisit. L'enquête est instruite par la juge Brigitte Reynaud. À elle, désormais, de faire toute la lumière sur cette affaire. La première piste étudiée est celle d'une erreur de tir. Les pilotes des deux avions Sukhoi 25, responsables du bombardement, se seraient trompés de cible, tout simplement. À vrai dire, personne n'y croit. L'armée ivoirienne connaissait parfaitement les positions françaises, et ce bien avant le début de l'offensive contre les rebelles. Le vaste camp est un lieu facilement identifiable, visible du ciel, grâce, rappelons-le, à son grand drapeau tricolore peint sur le toit. Ce 6 novembre 2004, les avions ont survolé le site à 2 reprises avant de bombarder. Le tir était donc volontaire. Alors, qui a donné l'ordre ? La réponse impose. Les avions appartiennent à l'armée ivoirienne, le donneur d'ordre est forcément le pouvoir ivoirien. Un énième coup tordu de Laurent Gbagbo, surnommé le boulanger, pour sa capacité à tous les rouler dans la farine. Pourtant, politiques et officiers français n'en sont pas persuadés. Ce serait aberrant sur un plan stratégique. C'est d'ailleurs la ligne de défense de Gbagbo depuis le début de l'affaire, comme il l'explique dans les médias le 14 novembre 2004, une semaine après le bombardement du camp français. Je ne peux pas donner l'ordre de tirer sur les Français. Parce que je ne suis pas idiot. Je crois que vous pouvez me concéder cela. Le minimum d'intelligence, le minimum, veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français, ni sur les soldats de l'ONU ici. Je ne peux pas donner l'ordre, en tout cas pas au niveau présidentiel. Dans la chaîne de commandant, on n'a pas donné l'ordre de tirer sur les écoles. Qu'est-ce que je pouvais faire donc ce samedi soir ? C'était d'ordonner une enquête. L'enquête n'a pas encore commencé, que les corps sont partis. Or, c'est un élément essentiel de l'enquête. Mais il est important, et je demande même à la France d'envoyer une équipe pour qu'on fasse une enquête conjointe. Parce que quand un tel événement arrive, les morts sont morts. Ils nous ont quittés. Mais ce qui reste pour les vivants, c'est de savoir. La France reporte alors la faute sur l'entourage du président, les faucons de Laurent Gbagbo. Les noms de Moïse Ila Kwasi, son ministre de la Défense, ou du colonel Philippe Mangou, qui dirigeait l'offensive contre les rebelles, sont cités. Mais la juge d'instruction, Brigitte Reynaud, manque de preuves. Ce n'est pas là son seul obstacle. Depuis le début, l'enquête avance à pas compter. Les documents demandés sont délivrés au compte-gouttes. Certaines pages sont barrées de feutre noir quand elles ne sont pas entièrement blanches. Secret défense oblige. Mais la magistrate est patiente. tenace, obstinée. Elle va dévoiler au grand jour les nombreuses défaillances des autorités françaises. Un an après le début de l'enquête, elle obtient les photos des dépouilles des 9 soldats tués. Deux familles de victimes découvrent que les corps de leurs proches ont été inversés dans les cercueils. Oui, une fois exhumés, le constat est terrible. Leur fils, leur mari, leur frère ont été enterrés à la va-vite, les vêtements déchirés, couverts de sang. Un empressement manifeste, contraire à l'éthique des soldats. Plus grave encore, les corps des militaires français n'ont jamais été autopsiés. Dans l'émission « Pièce à conviction », Côte d'Ivoire, roquette sur le soldat, diffusée sur France 3 en 2007, l'avocat des familles des victimes, Maître Jean Ballant, revient sur cette grave erreur. C'est courant dans une enquête criminelle comme ça de ne pas avoir d'autopsie? Non, une enquête criminelle, l'autopsie, elle est absolument obligatoire. Mais alors comment c'est possible? Criminel, il faut savoir les causes de la mort, d'accord? Pour savoir s'il y a eu crime ou pas, d'accord? Les causes de la mort, donc criminel, l'autopsie est totalement obligatoire. Pour savoir exactement dans quelles circonstances, comment et pourquoi les choses se sont passées. Bon, donc, pourquoi ça n'a pas été fait? Je n'ai pas de réponse. Le juge d'instruction, dès le début, elle a protesté contre cet état de choses, mais c'était trop tard pour elle aussi. Et trop tard pour l'autopsie, les morts ne diront plus rien. Ceux qui auraient des choses à dire, en revanche, ce sont les pilotes de nos avions de chasse Sukhoi 25, responsables du bombardement de Boaké. Arrêtés puis relâchés, ils n'ont jamais été interrogés. C'est là, oui, la principale zone d'ombre du dossier. D'ailleurs, revenons un peu en arrière. Le jour du drame, le 6 novembre 2004, 20 minutes après le bombardement de Boaké qui a coûté la vie aux 9 soldats français, les pilotes mercenaires atterrissent à l'aéroport de Yamoussoukro. Ici, les militaires français en poste sont déjà au courant de l'attaque meurtrière. Ils prennent plusieurs photos des pilotes biélorusses, Boris Esmaïn et Yuri Souskine, et des deux copilotes ivoiriens, Ange Gnonduillet et Patrice Ouéhi. Connus des militaires, formellement identifiés comme auteurs du carnage, ils ne sont pas arrêtés sur le tarmac. Encore une occasion ratée. Quelques heures plus tard, 15 personnes sont interpellées à l'aéroport d'Abidjan. 9 Ukrainiens, 4 Biélorusses et 2 Russes. Ils font partie de l'équipage des mercenaires slaves de Laurent Gbagbo. Des témoins clés pour l'affaire. La suite, c'est le général Henri Poncet, chef de l'opération Licorne, aujourd'hui à la retraite, qui la raconte. En novembre 2014, 10 ans après les faits, il s'exprime en effet, et pour la première fois, au micro de France Inter. Je les ai fait interroger par un de mes officiers des forces spéciales, mais personne ne parlait russe sur place, donc l'interrogatoire a été relativement sommaire. Et j'ai reçu très vite l'ordre de les remettre au consul de Russie. Alors tout cela peut laisser effectivement, comment dire, plus que perplexe tout observateur, comme ça m'a laissé aussi à l'époque particulièrement perplexe. Ben, je me suis dit à ce moment-là que pour des raisons qui me dépassaient, on ne voulait absolument pas que ces pilotes soient entendus par la justice française. C'est un troisième loupé qui va finir de jeter le discrédit sur les autorités françaises, un épisode clé dans l'enquête. Le 16 novembre 2004, 10 jours après le bombardement, un minibus est arrêté à la frontière entre le Ghana et le Togo avec à son bord 8 ressortissants biélorusses. Ça ne passe pas vraiment inaperçu. Interrogés par les gardes frontières, ils sont confus et prétendent être des mécaniciens agricoles. Sceptique, le ministre de l'Intérieur togolais, François Bocco, prévient immédiatement Paris, car il a l'intime conviction que ce sont eux qui ont bombardé le camp français de Boaké. Il envoie les photocopies de leur passeport à la DGSE, les services secrets français, parmi elles, celles de Boris Smaïn et Yuri Souskine, les auteurs identifiés du massacre. Pendant 10 jours, ils sont mis à la disposition des autorités françaises, qui déclinent l'offre. Non, ça ne les intéresse pas, voilà tout. Sans jamais avoir été interrogés, les pilotes sont donc relâchés, puis exfiltrés vers la Russie. Depuis, plus aucune trace d'eux. En 2010, la nouvelle juge d'instruction en charge du dossier, Florence Michon, pose la question aux responsables politiques de l'époque. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas été interrogés? L'ex-ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, assure ne jamais avoir été saisi de l'affaire. C'est à peine s'il connaissait la situation en Côte d'Ivoire. L'ancienne ministre de la Défense, Michel Alliomari, affirme pour sa part avoir consulté son conseiller juridique, David Sénat, notre invité. La réponse obtenue, dit-elle, est qu'il n'y avait pas de base légale, c'est-à-dire pas de mandat d'arrêt international pour interpeller les pilotes. Auditionné à son tour, David Sénat assure ne jamais avoir été consulté. Et si cela avait été le cas, voilà ce qu'il aurait répondu. C'était en novembre 2014, sur les ondes de France Inter. Les faits sont commis, le bombardement a lieu le 6 novembre, et les pilotes sont interpellés au Togo le 16 novembre, 10 jours après. Donc, le 16 novembre 2004, on est encore dans des conditions de flagrance qui auraient permis, techniquement, il aurait été possible, en effet, de procéder à une interpellation par des autorités françaises de police judiciaire agissant sous les ordres de magistrats français. Et ça n'a pas été fait ? Manifestement pas. Donc il y a une part d'ombre qui sera extrêmement difficile aujourd'hui de lever, pour autant que je le sache. La juge s'appuie sur cet épisode pour construire son argumentaire juridique. Selon elle, les ministres français ont délibérément soustrait à la justice des personnes suspectées d'assassinat. Si on ne veut pas arrêter les pilotes, c'est qu'on ne veut pas connaître le donneur d'ordre, conclut le général Henri Poncet, chef de l'opération Licorne, en 2004. L'enquête va durer 11 ans. 4 juges d'instruction français se succèdent. Des centaines de personnes sont interrogées, des ministres français jusqu'à Laurent Gbagbo lui-même. Mais rien n'y fait. Les 16 000 pages du dossier ne permettent pas, pour l'heure, de répondre avec certitude aux questions essentielles. Qui a donné l'ordre aux pilotes de tirer sur le camp français de Boisquet ? Pourquoi et pourquoi la France n'a-t-elle pas souhaité les interroger ? Ces questions, nous allons les poser à nos invités dans quelques minutes, le journaliste Emmanuel Leclerc de France Inter et l'avocat général David Sénat, ancien conseiller juridique de Michel Alioumari. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire de Boisquet en Côte d'Ivoire avec nos deux invités aujourd'hui. Emmanuel Leclerc, grand reporter à France Inter. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et David Sénat, ancien conseiller juridique de la ministre de la Défense Michel Alioumari, évoqué pendant ce récit. Vous êtes à Toulouse. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Parfait. Emmanuel Leclerc, sur un plan juridique d'abord, où en est le dossier, où en est l'instruction ? Eh bien, écoutez, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la juge d'instruction, Sabine Kéris, qui a été la quatrième juge d'instruction en charge de ce dossier si sensible, a fait ce que l'on appelle un soi transmis à l'intention de la Cour de justice de la République il y a de cela un an. C'est-à-dire que la juge Sabine Kéris estime que monsieur Dominique de Villepin, madame Michèle Alliot-Marie et monsieur Michel Barnier, pour leur fonction de ministre à l'époque en 2004, devraient être traduits devant la Cour de justice de la République. Dans ce dossier, on a bien compris les enjeux que vous avez évoqués là durant maintenant 40 minutes. Il se trouve que le dossier est actuellement entre les mains de monsieur Jean-Claude Marin, procureur général auprès de la Cour de cassation. C'est lui qui a le dossier et c'est lui qui est censé transmettre un jour le dossier devant la commission des requêtes de la Cour de justice de la République qui décidera ensuite de savoir si les trois ministres peuvent être poursuivis. Il se trouve que ce dossier donc maintenant est en instance depuis un an de traitement et j'ai su juste avant de venir devant ce micro que le dossier pour l'instant a été mis en attente sur le côté, réalité, parce que monsieur Jean-Claude Marin estime que, en fait, il attend que le volet civil, l'autre volet de la juge d'instruction, soit complètement clôturé. Alors moi, jusqu'à encore hier, je pensais que le dossier était clôturé, en fait, la juge d'instruction n'aurait pas, en fait, fait ce qu'on appelle un article 75. Elle en avait déjà fait un précédemment. Il y a un peu plus d'un an. Et en fait, elle aurait rouvert le dossier parce qu'un témoin souhaiterait déposer dans cette affaire. Visiblement, un ancien de la DGSE. Donc, il faudrait lever le secret défense. Donc, a priori, on en est là. Le procureur général auprès de la Cour de cassation, monsieur Jean-Claude Marin, visiblement, a laissé de côté le dossier en attendant. Mise en attente. Qu'on en soit là. Bon. David Senna, après 11 ans d'enquête, voilà le dossier mis en attente. Est-ce qu'on peut avoir quelque espoir qu'il débouche sur l'établissement de la vérité? Vous m'entendez? Oui, pardon. Je vous entends. En l'état de ce que je sais, ce que la presse a révélé, parce que je ne sais pas plus que ce qui a été mis sur la place publique, il est assez peu probable qu'on arrive à savoir la vérité. Pour une raison simple, c'est que les auteurs présumés donc de ce bombardement sont aujourd'hui en fuite, qu'ils sont en fuite dans des pays qui, bien évidemment, ne les livreront pas et que par conséquent, il manquera toujours, je dirais, un élément essentiel qui consisterait à entendre ces personnes et à leur demander un certain nombre d'explications. Et par ailleurs, une autre explication tient au fait que les décisions politiques qui ont été prises, qu'elles soient explicites ou implicites, positives ou négatives, eh bien, sont des décisions qui, aujourd'hui, ne sont pas formalisées, n'ont pas été formalisées et ne peuvent pas ou difficilement être, je dirais, identifiées et rattachées à tel ou tel des ministres ou anciens ministres qui étaient aux affaires à l'époque. Bien sûr. Emmanuel Leclerc, comment êtes-vous venu à vous intéresser à cette histoire? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? À quel moment vous êtes-vous dit, mais... il y a quelque chose qui cloche. Moi, je suivais le conflit ivoirien depuis septembre 2002, depuis que le pays, vous l'avez rappelé, a été coupé en deux. J'ai suivi, évidemment, tout le début de l'offensive de cette opération Dignité. Et en fait, le 6 novembre 2004, effectivement, quand on a découvert que ce camp français avait été bombardé avec les victimes, on s'est tout de suite posé des questions, évidemment, avec quelques confrères qui suivaient le conflit ivoirien. Moi, je suis allé à Abidjan dans les jours qui ont suivi. J'ai vu le rapatriement donc des centaines, des milliers de Français dans ces jours catastrophiques à Abidjan. Et c'est vrai que je me suis pas intéressé tout de suite au volet judiciaire. Comment on allait pouvoir poursuivre les assassins, évidemment, les donneurs d'ordre. À cette époque, on était plutôt sur la situation en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça allait dégénérer, pas dégénérer? mais le retour des ressortissants français, certains se sont retrouvés dans des situations abominables, évidemment, sans aucune ressource. Donc voilà, on était plutôt dans cet aspect-là. Et puis il y a eu donc ce discours, cette interview de François Bocco, le ministre togolais à cette époque-là, disant que il avait eu les pilotes entre les mains et qu'il avait proposé à la France de les lui remettre. Et à ce moment-là, il n'avait jamais eu de réponse. Ouais, c'est quand même très très troublant. Et donc à partir de cette époque-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait cloché, évidemment. Comme nous l'avons entendu dans le récit, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, prétend s'être tournée vers vous, David Senna, lors de l'arrestation des deux pilotes biélorusses à la frontière du Togo, relâchés quelques jours plus tard, ce que vous niez aujourd'hui. Vous affirmez que si la justice avait été informée et saisie de l'interpellation des pilotes, elle aurait pu techniquement et légalement les interroger, bien sûr. Vous vous en expliquez pour la première fois dans les médias en 2014, sur France Inter notamment. Pourquoi avez-vous décidé de briser le silence à ce moment-là? Je l'ai décidé d'abord parce qu'on m'a donné l'occasion de m'expliquer sur cette affaire, de le faire publiquement, et surtout parce que j'ai été conduit à m'expliquer devant la justice sur cette affaire. Je l'ai été en qualité de témoin, aux marges inférieures de la suspicion, mais finalement pas si loin que cela. Et dans le fond, j'ai trouvé que rendre des comptes en tant que conseiller sur des décisions politiques prises par des ministres était tout de même un transfert de responsabilité tout à fait anormal. Donc c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut bien se défendre si on n'est pas défendu par ceux que l'on sert et qu'on a servi pendant longtemps. Et puis surtout, sur le fond, je ne pouvais pas laisser dire, je ne peux toujours pas laisser dire que dans le fond, une décision de ce type aurait été prise par un simple conseiller, celui que j'étais à l'époque, un conseiller juridique, alors qu'il s'agissait de toute évidence de décisions de nature politique. Bien sûr. Je le rappelle, vous l'avez très bien dit en première partie de l'émission, on est en Côte d'Ivoire, on est en 2004, on est dans un pays qui est en crise et on est un an et demi après les accords de Marcoussi. Et finalement, donc, cette opération signe aussi l'échec de ces accords de l'INAS Marcoussi. Et ça se traduit, comme vous l'avez dit, par des pertes considérables pour les armées françaises. Et ainsi, on pourrait croire qu'une décision de ce type, qui consisterait à faire échapper à la justice française des mercenaires qui ont tué ou laissé tuer des militaires français, tout cela reposerait finalement sur la décision purement juridique d'un simple conseiller technique dans un cabinet ministériel. Donc ça, c'est une imposture, je dirais, institutionnelle, pour commencer, parce que ce sont les ministres qui décident et qui assument dans une démocratie comme la France. Et puis surtout, sur le fond, c'est une erreur fondamentale, parce qu'encore une fois, et je l'ai dit, le 16 novembre, on était encore dans le temps de la flagrance, et c'est cette raison qui a conduit le ministre de l'Intérieur du Togo à saisir les autorités française pour qu'effectivement la justice française se saisisse. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur du Togo, il saisit la DGSE, mais il saisit également la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur, ce qui était à l'époque le STIP, le Service de Coopération Technique Internationale de la Police. Et qu'ainsi, l'information remonte au ministère de l'Intérieur et portée à la connaissance de la police judiciaire, le cas échéant, et qu'à partir de là, eh bien, le lien peut être fait avec l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le procureur près le tribunal aux armées. Donc, par conséquent, il y avait à l'époque toutes les raisons de penser qu'en effet, on pouvait interpeller, ou en tout cas demander des comptes dans un premier temps à ces personnes interpellées, et venir dire le contraire est une erreur que moi je ne peux pas laisser se propager plus longtemps, et surtout si c'est pour que je l'assume de quelque manière que ce soit. Alors, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est Dominique de Villepin. Michèle Alliot-Marie, elle, est ministre de la Défense. On est bien d'accord. Dominique de Villepin, le 5 novembre dernier, s'exprime dans l'émission On n'est pas couché. Invité pour la promotion de son dernier livre, intitulé Mémoire de paix pour temps de guerre. L'écrivain Yann Moix l'interroge justement sur l'affaire Boisquet. Il demande, mais pourquoi n'avez-vous rien fait pour appréhender les deux assassins présumés des 9 militaires français? Bien, voilà sa réponse. Monsieur Yann Moix, c'est très facile, dans le confort d'une agréable soirée à Paris, de refaire l'histoire. Et reprenons le fil de ce que vous venez de dire. J'ai moi-même, avec beaucoup de bonne volonté, écouter la juge qui m'a posé un certain nombre de questions. Je lui ai répondu ce que je savais, c'est-à-dire pas grand-chose, plus exactement rien. L'entretien a duré 2 heures. Un certain nombre d'années plus tard, sans que je n'ai jamais été convoqué, ni même informé. C'est pour ça que je trouve l'ensemble du processus un peu curieux. J'apprends ce que vous venez de dire. Je prends mon téléphone. J'ai passé 3 coups de fil. 3. Mon directeur de cabinet, est-ce que nous avons à l'époque été saisi ? Jamais entendu parler. Le directeur général de la police nationale, patron du STIP, le service qui est en charge des affaires intérieures, aucun souvenir. Mon conseiller diplomatique de l'époque, nous n'avons jamais traité. Personne ne s'est soucié de savoir qui venait bombarder les forces militaires françaises. Je suis ministre de l'Intérieur. C'est Michel Alliot-Marie, en fait. Je suis ministre de l'Intérieur. Vous étiez considéré comme spécialiste de la région. Et j'imagine, parce que je n'ai pas l'habitude de me défausser, que la ministre de l'Intérieur a eu à traiter ce dossier en liaison a eu à traiter ce dossier avec l'Élysée, président de la République, chef des armées, dossier difficile dans lequel il y a des composantes de droit, des composantes d'opportunité, des composantes d'information. Aujourd'hui, vous rassemblez tout ça et vous jetez... Non, pas du tout. Si, si, non, vous jetez une, ce qui ressemble malgré tout, au-delà de l'interrogation, à une accusation. Bon, c'est pas moi, c'est l'autre. Est-ce que, selon vous, David Sénat, il est possible que Dominique de Villepin dise vrai qu'il n'ait pas été au courant de l'arrestation des pilotes au moment des faits, hein, je rappelle, le 16 novembre 2004, 10 jours après le bombardement? Alors, moi, je ne peux pas le croire pour 2 raisons. Une raison d'ordre politique et une raison d'ordre technique. La raison d'ordre politique, c'est tout de même la suivante. Dominique de Villepin est effectivement ministre de l'Intérieur au moment de ce bombardement, mais il est le précédent ministre des Affaires étrangères, et notamment l'artisan des accords de Linas Marcoussi ou accord Kléber. Il était avant secrétaire général de la présidence de la République. Par conséquent, c'est un homme qui, en effet, a connu de ce dossier au plus près. Il est ministre de l'Intérieur et quelques mois après, 6 mois après, il deviendra Premier ministre. Et on est pratiquement déjà dans l'anticipation de l'élection présidentielle de 2007. Alors quand il vient dire qu'il connaissait rien, qu'il ne connaissait strictement rien de ce dossier, ou en tout cas pas grand-chose, tout ça n'est absolument pas conforme à la situation politique et au positionnement politique de Dominique de Villepin à l'époque. Et j'ajoute que pour tous ceux qui ont approché Dominique de Villepin d'un peu près, eh bien ils savent que par ailleurs c'est un homme dont l'équation personnelle n'est pas celle d'un homme qui ne sait pas grand-chose sur bien des sujets. Et tout cela a même été, si je me souviens bien, mis en scène et avec un certain talent au cinéma. La raison technique qui m'en fait douter, c'est que le service de coopération technique et internationale de la police, c'est un service de renseignement qui dispose d'un maillage territorial extrêmement puissant, avec des personnes extrêmement compétentes, des attachés de sécurité intérieure, qui sont des policiers et des gendarmes, dont le métier est de faire remonter l'information sensible en temps réel. Et pour avoir travaillé moi-même au ministère de l'Intérieur pendant quelques années, je sais à quel point ce service est compétent et surtout vigilant pour identifier l'information sensible. Penser qu'une information de ce type, dans un dossier aussi sensible, ait pu échapper à la vigilance du ministère de l'Intérieur, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Et le disant, je ne suis certainement pas le seul à le penser. Tout cela a quand même un parfum d'irresponsabilité qui est quand même relativement désagréable. Emmanuel Leclerc, sur ce thème-là, et ensuite on en viendra au cœur de notre interrogation, qui a pu donner l'ordre sur ce thème-là. D'abord. Juste pour ajouter à ce que dit David Sénat, c'est que moi, à l'époque, j'étais au service étranger de France Inter. Vous imaginez que j'ai eu quelques sources bien placées, en particulier sur le dossier ivoirien. Effectivement, il n'y a pas une seule source qui pouvait dire que sur ce dossier, Dominique de Villepin était incompétent. Ouais. Voilà. C'est tout. C'était un brillant ministre des Affaires étrangères à l'époque et secrétaire général de l'Élysée également, très très au fait des affaires ivoiriennes. Alors, au bout du compte, et donc oui, c'est évidemment le cœur de notre interrogation, qu'est-ce que les autorités françaises ont donc à cacher dans cette histoire ? Alors, Évidemment, nous en sommes encore aux suppositions, hein. Mais quelles sont ces suppositions, les vôtres en tout cas, Emmanuel Leclerc? Écoutez, il y a trois hypothèses aujourd'hui. Mmh. Il y a trois scénarios. Effectivement, vous l'avez évoqué, hein, celui des faucons de Laurent Gbagbo qui décide de reprendre le nord de la Côte d'Ivoire. L'opération au départ s'appelait opération César. Hein, elle a été planifiée un an avant. Le souci, c'est que 15 jours avant, les colonels, les généraux qui avaient planifié cette reconquête du Nord, attendue depuis des années, évidemment par le pouvoir ivoirien, par de nombreux Ivoiriens, cette opération elle a été court-circuitée et donc elle s'est appelée 15 jours avant l'opération Dignité. Et voilà, donc tout ça aussi est assez mystérieux. Mmh. Et donc l'idée, c'est juste que les Ivoiriens, le pouvoir ivoirien, savait qu'il ne pouvait pas conquérir le nord de la Côte d'Ivoire complètement. En sécession. Voilà, parce que c'était trop compliqué, parce qu'évidemment, d'accord, ils n'auraient jamais tenu leur position. Donc l'idée, c'était de faire des bombardements et à l'arrivée, de taper un camp français. C'était une victoire symbolique aussi. Vous l'avez dit, on était quand même à l'époque dans un concept de deuxième indépendance. La France était évidemment considérée comme trop omniprésente en Côte d'Ivoire avec ses ressortissants. Donc quand vous rendez compte que de toute façon, vous ne pourrez pas reconquérir le Nord, vous faites quoi pour quand même symboliquement montrer que vous avez gagné? Eh bien, vous décidez de taper pendant 4 jours et à l'arrivée, vous tapez un camp français qui devait être désert. Malheureusement, ça n'a pas encore été établi, que le camp devait être désert au départ, qu'il y a eu des ordres, oui, de donner pour que ce camp soit désert. Oui. Et ça, au niveau de la procédure, l'avocat des victimes dit que c'est établi dans la procédure. Mais pour l'instant, on n'a pas complètement les preuves. Les militaires gradés de l'époque l'ont toujours démenti. Voilà, donc si cet aspect-là est réel de cette stratégie, il y a eu des complicités. Forcément. Des complicités françaises. Voilà. D'autres disent qu'on est, depuis le départ, on est sur une opération française. Complètement. On a même tapé le camp français pour pouvoir débarquer Gbagbo. D'accord. Pour faire un coup d'État. Ça vous l'avez dit. Mmh, mais c'est voilà. Entendre, effectivement. Absolument. Maintenant, c'est peut-être aussi un mélange des deux scénarios. Voilà. Un mélange des deux scénarios, c'est-à-dire que Gbagbo veut taper un camp français pour montrer qu'il a, Gbagbo, en tout cas ses faucons, veulent taper un camp français parce qu'on n'était pas obligé de prévenir le patron. C'est comme ça qu'on appelait Laurent Gbagbo à l'époque. Hein. Mmh. Évidemment, ça l'aurait mis dans l'embarras. Donc on décide de taper le camp français. C'est une stratégie militaire. On l'a déjà vu avec donc des complicités. La théorie du coup d'État, moi je n'y crois pas en fait. C'est qu'il y a eu des blindés à l'entrée de la présidence, ça c'est arrivé dans un deuxième temps, avec notamment la force Licorne. Hey. Quand vous êtes un général et qu'on vient de vous tuer 10 soldats, qu'on vient de vous en blesser une trentaine, forcément vous vous dites, moi le président actuel, je ne sais pas ce qu'on va en faire, je vais en référer aux politiques, mais je vais me préparer militairement pour que les forces suffisantes soient disposées autour de la présidence de Gbagbo. Donc ça n'arrive que dans un deuxième temps. Moi, ce que je vous parle, c'est l'opération décidée en amont, l'opération Dignité, des faucons de Gbagbo avec éventuellement des complicités parce que la maîtrise de l'air à l'époque en Côte d'Ivoire, ce sont des Français. Mais les complicités de la part de qui et qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Il y a beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que on reprenne le nord de la Côte d'Ivoire. Ouais. Vous l'avez dit, les rebelles dans le nord de la Côte d'Ivoire ne payaient plus l'électricité, ne payaient plus l'eau, se branchaient de façon un peu parallèle. C'est pas bon pour les affaires. Racketter, c'était pas bon du tout pour les affaires. David Sena, qu'en pensez-vous ? Moi, je n'ai pas d'explication, j'en ai pas plus qu'Emmanuel Leclerc, bien évidemment. J'en suis au stade des interrogations. Il y a un élément de réflexion qui doit être intégré aussi, je pense, à la réflexion. C'est le fait que les avions Sukhoi ont été acheminés en pièces détachées depuis l'Afrique et depuis le Togo, la Biélorussie, depuis le Togo, oui, via Robert Montoya et via son entreprise. On connaît les liens de Monsieur Montoya avec un certain nombre de de politique français, c'est quand même quelque chose qui a été attesté aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait que tout cela soit mis sur la place publique? On est aussi, encore une fois, dans une zone du monde qui est le théâtre d'un combat parfois assez féroce, parfois sur fond de financement politique aussi, oui. qui peut aussi conduire certains à ne pas vouloir que toute la vérité soit mise sur la place publique. Ça sera le mot de la fin, David Senna. Merci infiniment des précisions que vous avez pu apporter. Et merci également, évidemment, Emmanuel Leclerc, pour vos précisions. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire de Boisquet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons un conflit social, celui de ArcelorMittal et de Florange.